Dans la brume de l'automne, un bateau disparaît dans le ciel ou dans l'eau. Je ne sais plus bien, je ne sais plus bien, je ne sais plus bien. En moi, sans toi, tout chavire et chancelle. En moi, sans toi, mes pensées s'amoncellent. Et je voudrais sortir de ce brouillard intense, voguer à nouveau comme ce beau bateau vers d'autres rivages, oublier mes bagages, quitter ton image, découvrir comme horizon une autre vie. De nouveau, je renais dénudé, j'ai jeté à l'eau tout mon passé. Comme je me sens bien, comme je me sens bien, comme je me sens bien. En moi, sans toi, tout chaviré s'éveille. En moi, sans toi, pénètre le soleil. Je me sens libérée de ce brouillard intense, tel un jeune enfant. Je marche face au vent, baigné de courage. J'aborde une autre plage, j'oublie ton visage, je découvre comme horizon une autre vie.